de telle ville de l'Angleterre. Quand tu vas là, tu as l'impression d'être chez vous. C'est une autre partie. Tu sais peut-être nager, tu t'apprends enfin, comme ça. Ben oui, c'est sûr, tu as des mémoires de personnes qui nageaient, marins ou ce que tu voudras. Tu as peut-être peur des avions, c'est normal. Tu as des mémoires de personnes qui sont mortes dans un avion. Tu as bon, un paquet de choses, et là, ça fait partie de tes vies antérieures, c'est évident. Mais de là à dire, qui étais-tu? Et quand on fait des retours, par exemple, avec l'hypnose, on a des personnes, si on prend, par exemple, toute la salle ici, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a quelques personnes ici qui ont des mémoires incarnationnelles, on va dire qui sont la réincarnation, de certaines grandes personnes du passé. Mais la problématique, c'est que si on prend 1000 personnes, on va se rendre compte que lui, puis elle, puis lui, puis elle, disent être la réincarnation de la même affaire. Fait que là, on va dire, c'est la preuve que c'est du charlatanisme. C'est la preuve que c'est totalement stupide et faux. Ou bien, c'est la preuve qu'il y a une réincarnation pluralitaire. Que César s'est réincarné là, là, là, là et là. T'es parti. Et quand on m'hypnotise, eh bien, si je suis un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise, eh bien, on me pose des questions. Puis là, si j'arrive sur la corde César, par exemple, bien là, je vais t'expliquer. Puis par le canal réincarnationnel, je peux avoir accès aux mémoires akashiques, aux mémoires de l'événement César, dans le présent, les mémoires du passé, les mémoires du temps. Et là, je vais te conter la vie de César. Mais non, je pose la question à quelqu'un d'autre, puis je l'hypnotise, puis lui avec, c'est César. Puis là, si je vérifie, c'est vrai, mais avec une connotation différente. C'est un César qui est plus doux, l'autre un César plus violent. Mais ça dépend, les mémoires sont réincarnées. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire que comme on le conçoit, il y a des morceaux qui manquent. Mais les parties de César qui seraient réincarnées dans cette personne-là, ça serait la clé qui donnerait accès aux mémoires akashiques de l'événement César. Ah oui. Fait que tout le monde, tous ceux qui auraient des parties d'eux, pourraient aller chercher la même information, mais ça serait coloré de leur... Mais par les autres personnalités qui sont réincarnées chez lui. La problématique, c'est que ça nous permet d'avoir un logiciel qui comprend l'expérience du pitonneux sur le clavier. La lampe permet à l'esprit de s'exprimer immédiatement dans un corps évolué, dans une société plus complexe, et on part déjà en avant sur beaucoup de phénomènes de vie qui existent ailleurs. On part avec un pas d'avance, c'est-à-dire qu'on part avec une arme qui est pluralisée, mais qui nous permet d'être efficacement en contact avec autrui. À un moment donné, moi, je rencontre quelqu'un dans la salle, puis qu'on vibre bien. On s'est déjà connus. Première chose, on s'est connus dans nos intérieurs, c'est vrai. Mais peut-être aussi qu'on est tous les deux la même réincarnation. Tu sais, je suis peut-être le pirate machin, puis toi aussi. Alors, quand on se rencontre, on passe au même maudit coup, on a les mêmes... c'est évident, on est la même affaire. On s'est peut-être connus, mais on s'est peut-être aussi connus très, très, très intimement. Peut-être le même personnage. On a des mémoires du même personnage. Alors, on va parler des mêmes choses, puis on va y aller. De toute façon, tu le sais, tu connais des personnes qui sont réincarnées comme toi, et qui, en même temps, réincarnent un ami que tu as connu. C'est intéressant. Alors, ça, c'est une chose. Mais comment ça se fait que, dans certains cas, on sait, justement, qu'il y a une partie qui est beaucoup plus forte, on la sent, on vibre un personnage, même si on n'a pas de nom du personnage, on a juste le... Disons un musicien, par exemple. Quelqu'un qui sait qu'en dedans de lui, il est musicien. Mais que pour toutes les raisons, ben aujourd'hui, il est médecin, puis il voit des violons, il aimerait ça en acheter un, il en achète un, il ne sait pas trop jouer, mais dans le fond de lui, il sait qu'il est musicien. Mais pourquoi ce morceau-là, qui pourtant, il se ressent très fort, non, mais pourquoi il ne s'exprime pas? Comment ça se fait qu'il est bloqué? Parce que si le cerveau est un cerveau qui permet de composer des morceaux musicaux, il y a des mémoires de musicien. Mais si les mains ne permettent pas de jouer, il ne jouera jamais non plus. Mais la musique, il aime ça. Il va peut-être aimer écouter de la musique. Il va peut-être aussi aimer vouloir en faire. Peut-être qu'il ne pourra jamais en faire. Mais il y a autre chose avec, c'est que le musicien, la mémoire du musicien, est une mémoire expérientielle d'un contexte humain. C'est-à-dire que c'est de la mémoire qui a été créée par le passage de l'esprit, de l'intelligence, à travers un corps physique, dans une étape, dans un temps donné. Cette mémoire-là revient chez toi, pas pour que tu joues de la musique. Ton corps physique avait nécessairement un attrait, donc il y avait des particularités qui permettaient l'attraction d'un musicien, de mémoire de musicien. Sauf que, est-ce que ça veut dire que tu vas jouer de la musique? Absolument pas. Si la société dans laquelle tu es placé ne te permet pas de jouer de la musique, tu ne joueras jamais de la musique. Donc, cette mémoire-là, elle est là aussi, mais elle n'est pas là pour jouer de la musique. Ce qu'on doit bien comprendre, ce que j'aimerais juste que vous compreniez, ça serait, sans doute que ça donnerait un grand coup de pouce au niveau juste de la vision même de la vie. La disquette, c'est l'âme. Normalement, lorsqu'on était l'ordinateur, vu que c'est une disquette qui est en RAM, c'est un RAM 10, hein, quand on parle mal de français, c'est une disquette de mémoire vive, quand on était l'ordinateur, la disquette, elle s'en va avec. Là, il nous faut une disquette qui est matérielle, qui est solide, qui est celle d'obétérique. L'avantage, ce qu'on doit bien comprendre, c'est que nous ne sommes pas réincarnationnels. Mais l'expérience qu'on a engendrée est réincarnationnelle et fusionnelle pluralitaire. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tout le logiciel qu'on parvient à créer est un logiciel qui, à un moment donné, va être mélangé à tous les logiciels créés pour qu'on parvienne à en faire un plus solide, pour qu'un jour l'intelligence, l'informaticien, puisse s'exprimer directement par son ordinateur sans problématique. Parce que chaque logiciel n'est pas convenable, c'est-à-dire que nous devons créer un logiciel qui, de par lui-même, deviendra suffisamment intelligent artificiellement, qui est l'âme, l'intelligence psychologique, devenir suffisamment intelligent artificiellement, intelligent, c'est intéressant, pour qu'il puisse donner un coup de pouce et à l'ordinateur, pour que celui-ci se restructure, c'est-à-dire que tu as des appareils qui peuvent en créer un autre ordinateur un peu mieux, qui crée même des changements à l'intérieur des puces, et en même temps pour instruire l'informaticien du langage qui devrait être employé pour que ça fonctionne à un moment donné. Et le résultat total de la fusion entre l'intelligence et la matière, c'est au-delà de ce que l'humain appelle les dieux. Mais pour que cela se fasse, la matière doit faire sa part. Tant que la matière ne peut pas faire sa part, l'intelligence doit l'aider. Quand l'intelligence rentre dans la matière, tout saute. Alors, on crée un tampon qui va être l'âme, qui lui est... L'intelligence fait juste passer autour de la matière, puis s'en va. Ça laisse une trace de la mémoire. La mémoire s'agglomère au corps physique. Et là, on recommence. Il vient un moment donné qu'un tampon tellement grand... que lorsque l'intelligence passe, le tampon colore suffisamment à la vision, le contact de Dieu, de l'esprit en réalité, mais de l'intelligence, que le corps physique arrive à le supporter neuroniquement et endocrinalement, émotivement. La réincarnation, c'est d'être capable de prendre le tampon qu'on crée au long de notre vie, de le conserver quelque part. Lorsque le corps physique n'est plus capable de le conserver, et lorsqu'il y a un corps physique qui devient intéressant, dans lequel on peut mettre le tampon, peut-être qu'il y aura d'autres mémoires qui vont rentrer avec, là. Mais le tampon se met, la disquette, elle peut rentrer dans ce corps-là, pas dans tous les corps. Quand le corps physique vient au monde, ça peut rentrer dedans, on remet le tampon. D'accord? En remettant le tampon, c'est exactement comme si là, vous, mais là, personnellement, vous rentriez, parce que ce que l'humain pense qu'il est, c'est la disquette. Alors, ça rentre dans un corps physique, et là, on se rappelle qui on est. Quand la mère a dit « Pierre, viens manger », tu lui dis « Non, mon nom est Daniel ». Bon, là, c'est là, tu te rappelles. Ça peut faire des chocs émotifs pour certaines mères. Bon, oui, mais ça, tant pis, hein. Et, ça a dit « Viens manger, balai ». Ça, c'est une mère et teflon un peu. La réincarnation, de cette façon-là, est totalement unitaire. L'avantage, évidemment, on le voit immédiatement, c'est que ça permet à l'être humain qui comprend ce que j'explique puis qui comprend la mécanique que j'explique de pouvoir envisager son évolution non plus dans cette vie-ci, mais sur 500 ans facilement. Est-ce que ça sera nécessairement dans un corps d'enfant ou ça peut être dans un corps d'adulte? Bon, ce qui est intéressant à un moment donné, c'est que... Parce que je me vois pas... Retomber à 2 ans. On retombe puis, pas. Ça, c'est des visions très, très, très connes de. Si on. Tu disais, tantôt, tu parlais de l'école. Avec les. Disons qu'avec l'expérience. On ne retombe pas d'aller à l'école pour aller niaiser les professeurs. Je ne ferai pas longtemps. Je mettrais dehors, vite. Pas retomber, mais retourner dans un corps physique oui. De 2 ans ou aller dans un corps physique bon. de 2 ans. C'est une chose évidente aussi, c'est que normalement, la personnalité qui. Bon, quand l'humain. En arrive à être capable de ramasser toute sa vie, la rame, ce qui est en affinité avec de l'intelligence, c'est-à-dire ce qui semble être conséquentiel, ce qui semble être logique, quelque chose qui accepte le neuf, hein, qui ne suivra pas le traditionnel chemin du monde de la mort pour aller mourir une deuxième fois là-dedans, l'individu qui a une âme suffisamment assujettie à son intelligence, donc suffisamment restreinte, contrôlée, lorsque le mental est le maître contrôleur à bord, l'individu, lorsqu'il va perdre le corps physique, s'il le perd, il va conserver cela dans ce qu'on appelle le double éthérique. C'est une disquette qui, elle, reste là, elle est énergétique, et il peut se réincarner dans un corps d'enfant, de nouveau-né, mais effectivement, habituellement, il va choisir un adolescent ou une adolescente, et de temps en temps, il peut même prendre carrément un adulte. Mais l'avantage de la réincarnation individuelle, l'avantage qu'elle a, si on regarde Lazare, le comte de Saint-Germain, ce que lui fait avec cela, c'est que normalement, il descend, il prend un individu d'une trentaine d'années, par exemple, et il s'incarne dedans. Ça veut dire que pendant un an, l'individu commence à évoluer différemment. Il se reconnaît, il est là. Mais il change. Il a la base des affaires, il commence à transmuer le plomb en or. Bon, il fait plusieurs choses. Et puis après 5 ans, il redevient progressivement ce qu'il était, beaucoup plus riche qu'avant, avec l'expérience du passage de Lazare. Et il ne perd pas ce qu'il avait, il reste ce qu'il est, en ayant eu un contact, enfin, il ne pourra peut-être pas tout expliquer, mais il n'en souffre pas. Alors que Lazare s'est incarné dans le bonhomme, Lazare, 5 ans après, se désincarne, c'est-à-dire qu'il a autre disquette, et il va dans un autre pays, et il s'incarne dans un autre personnage, autre la disquette, il vient dans Thomas Paine aux États-Unis pour finaliser la séparation, l'indépendance américaine de l'Angleterre. Bon, il se promène comme ça. L'individu qui arrive à une capacité réincarnationnelle, mais unitaire, est un individu qui peut donc s'incarner dans un corps d'un enfant, un adolescent. Et là, on va dire que c'est injuste pour l'adolescent. Oui, c'est injuste, effectivement. Au lieu de passer 200-300 ans à souffrir pour en arriver là, vous permettez aux deux d'y arriver tout de suite. Et si le logiciel fait dans son corps physique, c'est que de toute façon, ça fait partie de la mécanique. Vous auriez pu vous réincarner par les voies traditionnelles, ça aurait donné la même chose, sauf que vous n'auriez pas pu vous rappeler de astralement, psychologiquement, amiquement, de ce que vous êtes. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que progressivement, vous allez apprendre à communiquer avec l'esprit, avec vous. Quand je dis vous, je parle de l'ego. L'ego va apprendre à communiquer avec vous l'intelligence. Là, je parle de l'intelligence. La problématique, c'est que quand vous parvenez à développer une mécanique à travers l'évolution, une mécanique convenable qui me permet, moi, en tant qu'âme, de ne plus souffrir d'un contact avec mon intelligence, qui me permet à moi, en tant qu'intelligence, de m'exprimer sans problème par la voie de ma psychologie et de mon corps physique, eh bien, ça devient totalement stupide de perdre le logiciel qui me permettait de faire la communication. Pourquoi? Parce que moi, en tant qu'intelligence, quand je vais revenir, il faut que je recommence encore, parce que je suis stupide, j'ai le temps. J'ai des multimilliards d'années en avant de moi, j'ai le temps en tant qu'intelligence, mais c'est illogique. Surtout qu'on a réussi, à un moment donné, dans l'évolution d'un humain, à créer un logiciel qui est convenable. Maintenant, vous, en tant qu'âme, par exemple, vous êtes aussi de l'intelligence, mais je parle de la partie de l'âme, vous pouvez vous dire, maintenant que j'ai réussi à entrer en contact avec mon intelligence, j'ai 75 ans, je vais mourir, je recommence tout. Et c'est là l'utilité d'être capable d'avoir 75 ans, ou d'avoir 50 ans, ou 35 ans, ou 22 ans, et d'être capable de garantir que le logiciel ne retournera pas dans le monde de la mort, mais sera conservé quelque part par l'intelligence qui s'en sert pour que ça revienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous mourrez avec un double éthérique, vous allez vous endormir, et quand vous allez vous réveiller, vous allez totalement être exactement comme si je prenais présentement votre conscience, puis je le mets dans un corps d'enfant, par exemple. Là, vous allez simplement faire « Oups, il s'est passé quelque chose ». Puis là, vous allez vous regarder dans le miroir, puis « Oh! » La théorie de Kemp est vraie. Oui. Et là, la personne va vivre, c'est exactement ce qui va se passer. Vous allez faire ça dans votre couche? Notre couche, non. Là, ce qui arrive, c'est que l'individu va vivre exactement cela. Du point de vue de l'âme, il n'y a pas la mort qu'on la connaissait. La personne dans le corps physique, évidemment, aura des mémoires de quelque chose d'autre. Il y a des particules qui se réincarnent. Il y a la génétique de ses parents aussi. Mais il sabote exactement, là on parle de réincarnation totale, unitaire, où l'âme va se retrouver, se reconnaître, et là l'âme aura une saveur totalement différente de l'évolution. Pourquoi ce n'est pas fait avant? Il ne pouvait pas se faire avant. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'énergie pour engendrer un double conforme de la psychologie, le double éthérique, dans le monde, dans le plan moronciel, qui est le plan de transition entre la vie et la mort. Il n'y avait pas d'énergie dans le mental de l'humain suffisamment élaboré pour cela. Alors que présentement, la majorité des humains ont un mental capable de faire en sorte que leur ego, que l'âme, que la tradition, que l'habitude accepte du neuf. À l'instant où on est capable de faire accepter des choses neuves à notre âme, on est capable de créer un double éthérique. Premièrement, ça veut dire qu'il y aura de l'anégoïsation, c'est-à-dire que l'ego cessera de toujours se battre pour conserver ses mémoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dois, par exemple, prendre une personne qui est ici, une personne qui se dit âgée, et je lui dis, étant donné que c'est totalement impossible qu'un corps vieillisse, si on essaye de l'expliquer, on ne pourra pas, parce que la science décrit le vieillissement, mais ne l'explique pas. On met une graine à terre, il pousse un arbre, on se dit c'est normal. Oui, mais c'est impossible. La graine, elle, qu'est-ce qui lui dit de ramasser des minéraux, de transformer, de faire un tronc, de faire de l'écorce, de faire des veines à l'intérieur, de faire des feuilles, c'est impossible. Parce qu'on est habitué de voir certaines formes d'impossibilité, on dit, ben, c'est sûr. Mais quand maintenant on doit avoir des nouvelles formes d'impossibilité, on se dit, ben oui, on le casse. Moi, je prends un spermatozoïde puis une ovule, j'y mets ensemble, ils se divisent. Est-ce que ça fait une grosse omelette? Non, ça fait un être humain. Ben, c'est sûr. Pourquoi c'est sûr? Puis après ça, quand ça grandit, tu manges une pomme, t'en fais un doigt. Pas un doigt qui fait « les autres t'attendent. Tout ce que tu manges crée un corps qui grossit. Ben, c'est sûr. Puis après ça, tu te mets à vieillir, puis tu meurs, alors que si on prend une cellule de ton corps, puis qu'on la nourrit, elle va se multiplier éternellement. Mais dans ton corps physique, elle meurt. Mais c'est sûr. Et maintenant, si je te dis que tu as une personne qui se dit âgée, et il y a possibilité de bloquer le processus de vieillissement et même de rajeunir le corps physique. Oh, oh, oh. C'est ça qu'il y a. Toutes les impossibilités qu'on est habitué, c'est sûr. Et toutes les impossibilités qu'on n'a jamais vues, oh, oh, oh. Donc, on doit s'arranger pour placer dans la mémoire, dans vos traditions, les mémoires de l'âme, la capacité d'accepter du neuf. Pourquoi? Parce que si vous voulez cesser de vieillir, ça va prendre encore 2000 ans. Pourquoi? Bien, 2000 ans d'informations lentes dans l'ego pour pas trop l'instruire violemment. Il n'aime pas ça quand il est brusque et violent. T'sais, il va voir quelqu'un qui n'est pas brusque, qui n'est pas violent. Qui dit tu vas mourir, mais plus heureux. Mais pas l'autre qui dit tu vas mourir, puis tu vas même être là quand tu vas mourir. On veut l'âme, la psychologie, elle est traditionnelle, elle est vieillotte, elle est mémorielle. Et si on est capable, mentalement, chez soi, dans notre vivant actuellement, de former chez nous des capacités d'accepter des choses neuves, accepter des choses neuves ne veut pas dire croire à tout ce qui est neuf. Ça veut dire cesser de résister contre tout ce qui est neuf. Bon, après ça, on a encore la vie. Si je vous dis que vous pouvez rajeunir, on doit commencer psychologiquement par l'accepter, ça se fait, ça se peut. Une autre méthode de rajeunissement, tantôt tu parlais, donnais l'exemple de Lazare, qui lui s'incarne dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou peu importe. Si on faisait ça, on n'aurait pas besoin, même si le corps physique vieillit, on s'en fout. Bon, premièrement, ce qui va arriver, c'est quand on parle d'immortalisation, la première immortalisation, c'est au niveau de la structure d'intercommunication entre la matière et l'esprit. Donc, c'est l'immortalisation de l'âme. Le corps physique meurt, on s'en balance. Quand à un moment donné, le véhicule est trop vieux, bien moi, ça ne me dérange pas de changer d'enveloppe. Si je suis sûr que c'est uniquement l'enveloppe que je change. Hein? C'est évident. Si je change l'enveloppe et toutes les bits qui m'entourent, le seul petit bit sur ma disquette qui se ramasse avec les autres, je me ramasse encore dans une école où je ne connais personne, puis là, il faut que je repasse encore, ça c'est l'ego, là, il faut que je repasse encore 10, 15, 20 ans avant de connaître le monde, puis là, on se fait des gangs là-dedans, puis bon, c'est ce qui arrive au niveau de la psychologie humaine. C'est évident que la première forme d'immortalisation, c'est l'immortalisation de votre conscience lucide du point de vue de la psychologie, donc de la mémoire planétaire. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de conserver exactement l'expérience que vous avez en tant qu'être humain, pas en tant qu'esprit, en tant qu'animal humain, donc en tant que phénomène mémoriel en contact avec l'expérience planétaire, l'âme. Il y a possibilité de la rendre immortelle si on est capable d'éliminer des parties de l'âme qui sont trop traditionnalistes. Normalement, la colère est extrêmement traditionnaliste. Pourquoi? Parce que même si vous ne voulez pas être en colère, elle peut vous subjuguer puis passer. Et là, vous allez gueuler, puis après ça, vous allez dire, « Ah, ben je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais je me suis emporté. » C'est pas ça que je voulais dire. C'est ça. Ah, pourquoi? Parce que vous n'étiez pas là pendant que la colère s'exprimait. Ces choses-là, on doit lentement les éliminer. Il arrive un temps où on élimine les parties les plus égocentriques, les parties les plus centriques de la tradition. On va les éliminer. Mais comment tu fais pour les éliminer? Ça se dit bien, ça. On doit éliminer la colère, on doit éliminer l'alcoolisme, on doit éliminer ci, on doit éliminer ça. En pratique, comment tu fais pour éliminer la colère? Ben, tu écris plus. Oui, ça, c'est en théorie. Quand tu bois de la boisson, tu peux pas être en colère. C'est pas mieux. Puis quand tu prends de la boisson... Quand tu sens que se développe, disons, quelqu'un qui est colérique et puis qu'il n'aime pas ça, tu t'es pas... C'est facile. Bon, OK. C'est facile. Je l'ai expliqué souvent. C'est très facile à dire, très facile à faire, mais très compliqué à comprendre. Mais quand vous allez avoir compris, c'est extrêmement facile à faire, il n'y aura pas de problème, vous allez voir, c'est comme ça. Puis le dire, c'est comme ça aussi. C'est le comprendre. Alors, Mais là, avec toutes les oreilles qui sont ici, on en venait à bout de comprendre une bouche. Ah, vous allez tout à comprendre une partie, vous allez tous mourir, vous fusionnez, vous avez compris. C'est ça. Bon, comment on fait? Tu sens monter la colère, tu es en train, là, tu sais que ça s'en vient, puis tu veux pas que ça arrive. Tu fais quoi? Mais pourquoi tu veux pas que ça arrive? C'est le problème. Pourquoi veux-tu que la colère ne vienne pas? Explique-moi. Parce que après que la colère est venue, tu trouves ça stupide qu'elle soit venue. Donc tu veux pas que ça arrive. Oui, mais trouver ça stupide après, trouver ça stupide avant, tant que trouver ça stupide. Ben, tu trouves ça stupide avant, après, excepté pendant. Exact. Pourquoi devrions-nous empêcher la colère de venir? Pour épargner les meubles, disons. Mais tu as qu'à avoir des enfants? Tu bûches les enfants. Préparer les meubles. Non, mais c'est que ça, c'est jamais sain, soit dans un couple, dans une famille, dans un travail, d'être colérique. Pourquoi c'est jamais sain d'être colérique dans un travail, dans une famille? Parce que l'autre ne comprend pas rien de ta colère. Si je suis colérique avec toi, puis je me mets en colère, puis là je te lance un paquet d'affaires, puis quand on est fini, je te dis, excuse-moi, j'ai été manipulé, c'était pas moi. Si tu comprends tout ça, ça crée pas de problème dans notre couple. Que je sois colérique. Ça me répare pas mon œil au beurre noir puis mon bras cassé. Mais non, mais tu me dis oui, mais je suis coupé ici et puis je. Mais au lieu de faire ça, pourquoi toi, parce que c'est celui qui l'est colérique, qui serait pas capable de dire OK, je contrôle cette colère-là. Ou je l'élimine. Comment voulez-vous contrôler quelque chose qui n'est pas vous, qui contrôle le corps physique bien plus puissamment que vous? Tout ce que tu peux faire, toi, c'est te frustrer, te maudire, t'haïr, te détester, de travailler des années de temps, des philosophies de changement, puis finalement, jamais rien changer. Qu'est-ce que l'humain fait? L'humain trouve la sensation colérique, il rentre dans un colérique anonyme, et puis là-dedans, c'est ça, voilà. Et puis après, un bout de temps, quand il n'est pas capable de rien changer, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, c'est parce que c'est tous des imbéciles. Puis il s'en va d'une place que c'est les colériques qui iront vers Dieu. Là, il rentre là-dedans. Puis là, maintenant, ça y est, là, son problème est réglé. C'est ce que l'humain fait. Bon, alors, ça sert à quoi? Toutes les philosophies, j'en ai rencontré des gens qui avaient des parties d'eux autres qui voulaient évoluer. Mais quand, finalement, le Dieu en question te dit, « Oh, ce Dieu-là, il me plaît, cette religion-là, c'est génial. » Puis finalement, le Dieu te dit, « Une relation sexuelle par mois. » Si tu peux pas, qu'est-ce que tu fais? Change de religion, c'est ce qu'ils font le monde. Et ils vont voir un Dieu qui dit, « Ah, allez-y au coton, croissez et multipliez-vous. » Même croissant, faites semblant, c'est pas grave. Là, ça va, là, ça nous plaît. Hein? Il y a un bonhomme qui est parti du secte qui fonctionnait génialement parce que pour atteindre le nirvana, il fallait absolument passer par la marijuana. C'était une déesse, la marijuana. Et puis, il fallait passer par elle. Alors, tous les drogués de la place se sont garochés, évidemment, et puis il y en importait, et ça allait bien. À un moment donné, il a continué, puis il a fini par changer un peu sa trame, mais c'est intéressant. Là, ça allait bien. Un Dieu qui te dit de te changer, tu l'oublies. Sauf si vous êtes masochiste. Et là, vous allez masochiser pendant un bout de temps, mais à un moment donné, vous allez en avoir plein le chapeau, et là, vous changez de cap d'évolution. Uniquement parce que c'était trop vous demander. Mais si, au lieu de ça, tu décides que moi, je ne suis jamais en colère, puis là, à un moment donné, ben, il y a quelque chose qui prend possession de ton corps physique, qui joue à être toi, qui renverse les choses, qui garoche tes affaires, et puis quand c'est fini, ben là, la petite chose, elle s'en retourne, puis elle te laisse là. Puis là, tu constates tout ce que tu n'as pas fait. Puis là, tu te dis, bon, mais je suis encore le véhicule d'expression de saloperie. Ben, tu viens déjà de régler à 80% tout ton problème. C'est sûr que le véhicule d'expression de saloperie, après t'avoir passé à travers, va passer au travers ta femme ou ton mari, parce qu'elle va se mettre en colère parce que tu es en colère. Tout le monde veut se nourrir dans la colère. Chaque être humain a des mémoires de colère, puis ils veulent tous se nourrir. Mais progressivement, ce qui va arriver, j'appelle cela, moi, l'intelligentiation. Tu sais, il y a deux façons d'évoluer. Il y en a une qui est méritoire. Elle est géniale, c'est formidable, c'est bon pour les stupides. C'est qu'un bon choix. Et il y a l'autre forme d'évolution qui est l'évolution non méritoire. Hein? Vous avez deviné. L'évolution solaire. L'évolution solaire, ça fait quoi? Ça fait que finalement, tous les animaux humains vont dire, « Ouais, mais toi, t'es chanceux. » T'sais, dans ton cas, si t'aurais connu ce que j'ai connu comme enfance, si t'aurais... Oui, voilà. Lui, il est chanceux. Pourquoi qu'il est chanceux? C'est parce que la journée qu'il a voulu arrêter de fumer, ça l'a arrêté de vouloir qu'il fume. Mais ça, c'est solaire. Il n'a pas souffert. Sauf qu'au lieu de travailler 5 ans pour arrêter, puis arrêter le 25 juin 1991, bien, il a décidé le 24 juin 1991 d'arrêter, puis le 25 juin, il avait arrêté. S'il aurait voulu arrêter avant, il aurait travaillé 50 ans pour rien, puis il aurait arrêté à la même date quand même. Mais lui, il aurait pu dire, moi là, j'avais de la volonté, je l'ai développé, ça a pris 5 ans, mais je les ai eus, les cigarettes. Alors que l'autre, il va se dire, ah ben, l'autre ne comprend pas la mécanique, il dit, ah ben moi, j'ai bien plus de volonté que toi, moi, je voulais arrêter, comme ça, fini. Est-ce que c'était de toute façon le 25 juin 1991, ou est-ce que si on avait commencé 5 ans en arrière, comme dans ton exemple, si celui qui fume, à toutes les fois qu'il fume, dit, bon, c'est ça, encore, comme tu disais tantôt, observer que c'est pas lui qui voulait fumer, puis ça fumait pareil. Oui, intelligence, c'est une chose. Il arriverait-tu à arrêter avant, ou par mais accident, il allait arrêter avant, ou il allait être pareil dans ce cas? Il fume parce qu'il évolue trop vite. Il fume parce qu'il a besoin de sa cigarette pour se terrestrifier, pour descendre en vibration. Il fume pour... Puis là, la vie est plus supportable. S'il ne peut pas arrêter de fumer comme ça, on sait que ça a des problèmes pathologiques, bon, ça crée le cancer, etc. Mais ça empêche le suicide. Ça empêche plusieurs autres phénomènes. Ça paye le stade olympique aussi. Absolument. Et ce que l'humain doit faire, quand je parle d'intelligence, c'est qu'on doit bien comprendre qu'on est colocataire du même corps physique, on est copropriétaire. C'est qu'il y a une partie qui est de la mémoire, et c'est la mémoire de ce que vous êtes. Donc, la mémoire de ce que vous avez été. Mais si on passe notre temps à se référer à ce qu'on a été pour savoir ce que nous sommes, cela nous confine à toujours être comme on a été. Suis-je un homme? Oui, j'ai déjà été un homme. Bon. Suis-je colérique? Ah ben oui, j'ai fait une colère hier, donc je suis colérique. Puis finalement, l'évolution prend encore des milliers d'années. Enfin, des milliers de jours, en tout cas. Ce que l'humain doit faire, c'est qu'il doit totalement discerner, se séparer, se dissocier de ce qu'il n'est pas, de ce qu'il est. Et si on ne comprend pas trop ce que je dis, il y en a qui le comprennent bien, bon, ça va, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus compliqués. Tout ce que vous concevez comme étant plaisant, on peut dire intelligent, que vous devriez être et que vous devriez faire, bien, décidez donc, c'est ça que vous êtes. Maintenant, parce que l'être humain est manipulé par sa mémoire, par tout ce qui s'est réincarné à l'intérieur de lui, nécessairement, il ne pourra pas prendre le contrôle du corps physique du jour au lendemain. Mais il va commencer immédiatement à passer à la phase d'évolution solaire, une phase d'évolution qui est moins méritoire parce que mot a dit de moins souffrant. Alors, ce qui va arriver, c'est que si tout ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi, mais que ça m'habite, bien, c'est sûr que ça vous habite. Mais avant de faire le ménage, puis de mettre des trappes à souris, puis de tout sortir ce qui n'est pas correct dans la maison, Ça va prendre un laps de temps. Mais c'est pas nous autres, de toute façon, ni d'un bord ni de l'autre. C'est, que ce soit, que ça s'exprime, disons, la bonté, la gentillesse, c'est pas plus moi que... Non, que sauf que la bonté, la gentillesse fait partie de ce qui un jour deviendra le double éthérique, de ce qui un jour deviendra réincarnationnellement possible unitairement, et c'est la partie qui te permet à toi, l'esprit, de plus facilement communiquer avec la matière, pas pour communiquer avec les autres individus. Tu communiques avec les autres individus pour qu'eux autres finissent par avoir le même contact avec leur esprit. Bon, c'est toujours pour toi, puis finalement, pour le phénomène au complet qu'un humain travaille. Donc, ce que je veux mettre sur ma disquette, c'est les choses qui me semblent intelligentes. Puis ce que je veux pas mettre sur la disquette, je m'arrange pour pas. Oui, ce qui va arriver, c'est qu'on met une disquette, par exemple, puis chaque fois que la colère embarque sa disquette, elle pousse tout ce qui n'était pas colère. Puis là, la paix rentre, la paix pousse tout ce qui n'était pas paix. Fait que sur ton logiciel, ça ne peut pas jamais rien quand ton corps physique meurt. Alors, on doit faire une scission. Il y a un paquet de parties de notre constitution mémorielle, amique, qui arrive à s'entendre, mais on est toujours en guerre contre les autres, puis parce que l'on se culpabilise, c'est ça que le gros problème, c'est que quand vous montez en énergie, vous découvrez et conscientisez des lacunes. Parce qu'on conscientise la lacune, c'est normalement récupéré par un inhibiteur, une force d'involution à l'intérieur de nous, et ça prend l'énergie de la conscientisation, puis ça la brûle en culpabilité. Bon, j'ai été en colère. J'ai pas été en colère, la colère s'exprime encore par moi. Je ne suis pas la colère. Pourquoi je ne suis pas la colère? Parce que je ne veux pas être en colère. Je dis souvent que, en similaire, on pose la question aux individus, puis c'est une question qui est tellement facile, si je te demande, trouves-tu qu'être en colère, c'est intelligent? Tu me dis non. La question qui suit, es-tu intelligent? Si tu me dis oui, en partant, la psychologie conventionnelle qui ne comprend pas encore toutes les mécaniques de l'humain a posé la question. Si tu sais que boire, c'est pas bon, puis que tu dis que tu es intelligent, pourquoi bois-tu? Si tu sais que la colère n'est pas intelligente, puis que tu dis que tu es intelligent, pourquoi te mets-tu en colère? Et là, l'humain ne peut pas répondre. Ça ne passe plus. C'est fait. Sauf si on change de disque et on dit, parce que nous sommes deux chez moi. Voilà pourquoi je ne veux pas. Je trouve que la colère est stupide. Et voilà pourquoi, de temps en temps, il y a de l'expression de colère par mon corps. Ça facilite les choses. Puis moi, je ne dis pas ça pour faciliter les choses. C'est que c'est la réalité. En réalité, on n'est pas juste deux. On est un paquet. Mais il y a deux ensembles majeurs. Un qui accepte le neuf, qui accepte le contact avec l'intelligence, qui accepte l'idée qu'on devrait cesser d'avoir peur les uns des autres, donc qui accepte des choses. Et une autre partie qui, elle, ne comprend rien parce qu'elle est plus basse en vibration, elle accepte qu'on devrait tous s'aimer, mais elle sait que vous êtes tous des dangereux. Bon, elle sait, ça. Ça, c'est la partie plus traditionnaliste. Exact. Celle qui a encore les mémoires des guerres du passé, les mémoires des guerres entre les yeux, les mémoires, etc. Cette partie-là, elle nous habite. Et ce n'est pas parce qu'elle nous habite qu'elle constitue ce que je suis. Et en plus, moi, je te parle de ce que je suis du point de vue de l'expérience, de l'intelligence à travers mon corps physique dans un contexte évolutif, et de la même expérience dans un contexte de stagnation, la tradition. Mais ça, ce n'est pas encore moi. Moi, je suis de l'esprit. Mais moi, cet esprit-là, je vais me plaire de communiquer avec une âme qui est celle-ci, et je vais instruire cette âme-là par le mental, qu'elle n'est plus ça ici, oublie ça. Quand il y a de la colère, c'est que ton corps est colérique, puis ça s'est exprimé. Intelligencer veut dire être capable de voir que ce n'était pas moi. Et après quelques temps, pas tellement longtemps, la colère commence à se dissoudre. On l'énergise plus avec la culpabilité. Elle se dissout, et à un moment donné, elle n'est plus là. Et là, on ne dit plus, tiens, je ne suis plus en colère. Non, je n'ai jamais été en colère. On n'en parle même pas, on l'oublie, on continue notre avancement. Là, on se dirige vers la création d'un double éthérique et nécessairement vers la réincarnation unitaire, qui est drôlement plus intéressante du point de vue évolutif. Pas juste au niveau de l'ego, parce que là, vous allez vous réincarner en vous rappelant qui vous êtes. Non, pas juste à ce niveau-là, mais au niveau de l'efficacité aussi. Parce que, de toute façon, quand on crée un double éthérique, la vie devient de plus en plus facile. Ah, l'eau, peut-être, l'eau reste polluée, mais ça ne te dérange plus autant. Tu ne le bois pas. Tu as soif, mais tu ne souffres pas de la soif autant. Puis à un moment donné, ben, l'eau, tu vas simplement prendre ton verre, puis l'eau ne sera pas polluée. Puis là, ce qui va arriver, il y a un savant qui va dire, puis-je l'analyser? Lui, quand il va y toucher, il va être autant pollué qu'avant. Il va dire, charlatan. pour ceux qui ont encore soif du café. Vous pouvez mourir 15 minutes, vous réincarnez tantôt. On commence avec la période de questions dans 15 minutes.